Les jours défilent et se ressemblent encore. En mode automatique, amour mécanique. Les histoires piles, s'empilent et se figent. On se perd dans la danse des sables mouvants. On répare nos vies en plastique. On penche, mais on connaît la musique. On sait ce que nos cœurs ont pour pourtant, on referait bien un tour. On oublie le reste, ce temps qui nous laisse fou. On oublie le reste. La la la la la la la la la la la la. Et on oublie le reste. La la la la la la la la la la la. On oublie le reste. On s'aime en boucle, on se colle, on se quitte. En mode anatomique, amour héroïque. Nos histoires filent, s'enfilent en équilibre. On survole nos espaces trop bas du plafond. On répare nos vies en plein. Yeah.